Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 5. Après cela, Moïse et Aaron entrèrent et dirent à Pharaon : Voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me sacrifie dans le désert. Mais celui-ci répondit : Qui est le Seigneur, pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël ? Je ne connais point le Seigneur, et Israël, je ne le laisserai pas aller. » Ils dirent encore, « Le Dieu des Hébreux nous a appelés afin que nous fassions le chemin de 3 journées dans le désert et que nous sacrifions au Seigneur notre Dieu, de peur que ne nous advienne la peste ou le glaive. » Le roi d'Égypte leur répondit, « Pourquoi, Moïse et Aaron, détournez-vous le peuple de ses ouvrages ? Allez à vos travaux. » Pharaon ajouta, Le peuple est nombreux dans le pays. Vous voyez que la multitude s'est insensiblement accrue. Combien plus si vous lui donnez relâche dans ses travaux? Il commanda donc en ce jour-là aux intendants des travaux et aux exacteurs du peuple, disant : Vous ne donnerez plus du tout de paille au peuple pour faire des briques comme auparavant, mais qu'ils aillent eux-mêmes et qu'ils ramassent du chaume. Cependant, vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, et vous n'en diminuerez rien. Car ils chôment et c'est pour cela qu'ils veulent s'y faire, disant « Allons et sacrifions à notre Dieu. » Qu'ils soient accablés d'ouvrages, et qu'ils les accomplissent, et qu'ils n'acquiescent point à des paroles mensongères. Et étant donc sortis, les intendants des travaux et les exacteurs dirent au peuple « Ainsi dit Pharaon, je ne vous donne point de paille. Allez et ramassez où vous pourrez trouver, et rien ne sera diminué de votre ouvrage. » Et le peuple se dispersa dans toute la terre d'Égypte pour amasser de la paille. Les intendants des travaux aussi les pressaient, disant « Achevez votre ouvrage chaque jour, comme auparavant vous aviez coutume de faire, quand on vous donnait la paille. » Ceux même qui présidaient aux travaux des enfants d'Israël furent flagellés par les exacteurs de Pharaon, qui leur disaient « Pourquoi n'avez-vous point achevé le nombre de briques, ni hier, ni aujourd'hui, comme auparavant ?» Alors vinrent les préposés aux enfants d'Israël, et ils vociférèrent contre Pharaon, disant « Pourquoi agissez-vous ainsi contre vos serviteurs ? On ne nous donne point de paille, et l'on nous commande également des briques. Voici que nous, vos serviteurs, nous sommes déchirés de verges, et que l'on agit injustement contre votre peuple. » Pharaon répondit « Vous chômez par oisiveté, et c'est pourquoi vous dites « Allons et sacrifions au Seigneur ». Allez donc et travaillez, on ne vous donnera point de paille, et vous rendrez le compte accoutumé de briques. On ne vous donnera point de paille, et vous rendrez le compte accoutumé de briques. » Ainsi les préposés aux enfants d'Israël se voyaient dans une fâcheuse position, puisqu'il leur était dit « Rien ne sera diminué des briques chaque jour. » Or ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui se trouvaient vis-à-vis quand ils sortirent d'avec Pharaon. Et ils leur dirent « Que le Seigneur voit et juge, car vous nous avez mis en mauvaise odeur auprès de Pharaon et de ses serviteurs, et vous lui avez donné un glaive pour qu'il nous tue. » Alors Moïse retourna vers le Seigneur et dit « Seigneur, pourquoi avez-vous affligé ce peuple ? Pourquoi m'avez-vous envoyé ? Car depuis que je suis entré auprès de Pharaon pour lui parler en votre nom, il a affligé votre peuple et vous ne les avez pas délivrés. » Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.